You got the drums, you got it. Well, and when you got some real ça va les copains, c'est en mi, hein. Je suis trop fort, je suis pas assez fort, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Vous allez bien?